le port, le pêcheur s'en revient, le casier vide dans la main. Il marche dans le vent et ne sait plus très bien ce qu'il fera demain. Cet homme plein d'amour et de vie, les rides de son front portent la trace des marées. Les gouttes d'eau salée sont ancrées à jamais sous sa peau, et peut-être qu'il pleure de cela, nous ne savons rien, et peut-être qu'il pleure de cela, nous ne savons rien. Nous ne savons rien, et peut-être qu'il pleure.